Chapitre 4. La vie a repris son cours paisible. Madame Roger, délivrée de son inquiétude la plus immédiate, s'abandonnait à la joie d'aimer Claire sans crainte de la perdre, et jouait au mieux ce qu'elle appelait son rôle de tante. Après tout, pourquoi gâter ses journées par des appréhensions lointaines? Souvent les choses s'arrangent mieux que nous ne le pensons. La sagesse est de jouir des petits plaisirs qu'on a, disait quelquefois M. Roger. Cela est vrai. Il jouissait de Claire presque comme d'une enfant qui eût été à eux, bien réellement à eux, au point d'oublier qu'elle ne leur appartenait pas. Mais un matin, la petite bonne de Mme Audry, effarée, en cheveux, vint sonner à leur porte et, en balbutiant d'effroi, elle raconta que, voyant que sa maîtresse ne sortait pas à l'heure accoutumée, elle était entrée dans sa chambre où elle l'avait trouvée immobile sur son lit, pâle et déjà froide. On courut chercher un médecin qui ne put que constater la mort. Il l'attribua à la rupture d'un anévrisme. Probablement qu'il avait raison.